Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerda. 3 Aralık 2014 Çarşamba Havan Radyo'dasınız. Bu haftaki zaman tünelinin kapılarını 2006 yılında çıkmış, Fransızların dediğine göre Michel Bubble, Amerikalıların dediğine göre de Michael Bubble, With Love albümünden My Funny Valentine ile açtım. Sıradaki parça Anthony Strong'a ait. Sanatçının 2013 yılında çıkan Stepping Out My Baby albümünden geliyor ve aynı ismi taşıyor. Stepping out with my baby, can't go wrong cause I'm in right. It's for sure, not for maybe, that I'm all dressed up tonight. Stepping out with my honey, can't be bad to feel so good. Never felt quite so sunny, and I keep on knocking wood. There'll be smooth sailing while I'm trimming my sails, in my top hat and my white tie and my tails. Oh, stepping out with my baby, can't go wrong cause I'm in right. Ask me when will the day be, the big day may be tonight. If I seem to scintillate, it's because I've got a date. A date with a package of the good things that come with love. You don't have to ask me, I won't waste your time. But if you should ask me why I feel sublime, sway. In my top hat, my white tie, and my tails. Oh, I'll be stepping out with my baby. Can't go wrong, cause I'm in right. Ask me when will the day be? The big day may be tonight. Cause I'm stepping out. Yes, I'm stepping out, stepping out, stepping out with my baby, yeah, stepping out tonight. Fransız ekolünden bir sanatçıyla zaman tüneli devam edecek. Danny Brulant, 1996 Havana albümünden Laura. Je te vois, j'ai mon cœur qui se serre. Quand je te vois, je ne vois plus que toi. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac, c'est toi qui l'auras. Quand je te vois, c'est au clair de la lune. Lorsque l'on boit entre amis l'apéro, ensuite on va s'embrasser sur la dune. Et je te cueille de jolis coquelicots. C'est très bien que j'aime les pommes de terre. Alors pourquoi tu me fais des petits pois? Si tu continues, j'appelle le commissaire. Et avec lui, tu sais, on rigole pas. Quand je te vois, on va dans la clairière. Et là, on joue à des jeux comme autrefois. Puis tu commences à manger les fougères. Car les fougères, je sais, tu adores ça. Papa,

to say the things he truly feels, not the words of one who needs. Record shows I took the blows, I did it all my way. Sanatçının 1967 Nina Simone Sing the Blues albümünden I Put a Spell on You ile Nina Simone'a veda edeceğiz. I put a spell on you. Cause you're mine. Do do do do do do do do. You better stop the things you do. Running around, you know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you because you're mine. Parçanın adı Mayo Nikai, No Bossa Nova. Albümün adı The Duets. Seslendirenler Pink Martini ve Sauri Yuki. Shimata 枠の中をどこまでも歩いて歩いて真夜中に女一人で聞く歌は恋人の釣れないほどのブルーなブルーなボサノバ シャバダバダ Sene 2000, Paul Simon You Are The One albümünü çıkarttı. Şimdi sırada o albümünden bir parça var. Old. The first time I heard Peggy Sue, I was 12 years old. Russians up in rocket ships and the war was cold. Now many wars have come and gone. Genocide still goes on. Buddy Holly still goes on. But his catalog was sold. First time I smoked, guess what? Paranoid. First time I heard Satisfaction, I was young and unemployed. Down the decades every year, summer leaves and my birthday's here. And all my friends stand up and cheer and say, man, you're old, getting old. You're old, you're getting old. We celebrate the birth of Jesus on Christmas Day. And Buddha found Nirvana along the Lotus Way. About 1500 years ago, messenger Muhammad spoke, and his wisdom like a river flowed through hills of gold. Wisdom is old, the Koran is old, the Bible is old, the greatest story ever told. Disagreements? Work them out. The human race has walked the earth for 2.7 million. And we estimate the universe by 13, 14 billion. When all these numbers tumble into your imagination, consider that the Lord was there before creation. God is old. We're not old. God is old. He made the mold. Take your clothes off, Adam and Eve. Zaman Tüneli'de en çok tekrar edilmiş bir sanatçının bir parçasını ilk kez dinleyeceğiz. 2013 Racine Carré albümü, sanatçı Stromae ve Formidable. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable.

sboccerai verso l'aurora. Ma non saprai che accoglierti sono stato io. Perché io sono il grande intimo della notte. Perché ho accostato il mio viso al viso della notte ed ho sentito il tuo bisbiglio amoroso. Ed ho portato fino a me la misteriosa essenza del tuo abbandono disordinato. Io resterò solo, come veliero nei porti silenziosi, ma ti possiederò più di chiunque, perché potrò partire. E tutti i lamenti del mare, del vento, del cielo, degli uccelli, delle stelle, saranno la tua voce presente, la tua voce assente, la tua voce rasserenata. Io so che ti amerò per tutta la mia vita, ti amerò e in ogni lontananza ti amerò, e senza una speranza io so che ti amerò ed ogni mio pensiero è per dire a te io so che ti amerò per tutta la mia vita, io so che piangerò ad ogni nuova assenza, piangerò, ma il tuo ritorno mi ripagherà del male che l'assenza mi farà. Io so che soffrirò la pena senza fine che mi dà il desiderio d'essere con te per tutta la mia vita. Sırada bonus şarkımız var. Carlos Santana, John Lee Hooker, Chill Out. Change. Thing gonna change. further on up the road, baby, things gonna change, baby. Your time now, baby, but after a while, gonna be my time, baby. Thing gonna change, change. Thing gonna change, yes it is. Sondan bir önceki parça Natasha Atlas'a ait. 2006 Mish Manul albümünden Uldi. يا صاحبي قولي ايه صاحبي ايه يا صاحبي قولي ايه قولي يا صاحبي ايه geldi kapanış parçamıza. Zaman Tüneli'nin bu haftaki kapanış parçası Isaac Hayes Shaft albümünden. Sizi Shaft ile baş başa bırakırken teknik masada Suat Gülbilent ve mikrofon başındaki ben Nihat Şarda haftaya buluşuncaya değin tüm dileklerinizin gerçekleşmesi dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın efendim. Thank you. Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerdağ.